Bienvenue à Bourg-Clocher, la fête va bientôt commencer. Bienvenue à Bourg-Clocher, la grande horloge va sonner. Bienvenue à Bourg-Clocher, le carnaval a commencé. Bienvenue à Bourg-Clocher, les gens vont tous s'amuser. Et tu mets quoi comme masque, toi? Moi, t'as un masque bleu clair, et toi? Mais non, moi je mets un masque bleu foncé. Bah pourquoi? Tu crois que c'est mieux? Bah oui, le facteur il avait l'an dernier, tout le monde a rigolé. Bah oui, il voyait rien, je pleurais contre les cloches de l'hiver. Bienvenue à Bourg-Clocher, la fête va bientôt commencer. Bienvenue à Bourg-Clocher, la grande horloge va sonner. Bienvenue à Bourg-Clocher, le carnaval a commencé. Bienvenue à Bourg-Clocher, les gens vont tous s'amuser. Le brave qui a sauvé la ville, de l'emprise de Majora. C'est des soutiens intrépides, qui nous retient d'otage. Envoyé par sa majesté, il a poussé son soldat. Il a sauvé notre contrée, la belle province d'Arvida. Link, c'est qui celui-là? Oh, c'est le bon loup qui s'engage avec nous il y a longtemps. Mais non, c'est pour lui, c'est dans Rougnon qui a sauvé la ville. Arrête des bêtises, c'est Miko, des Adigogo qui nous a sauvé avec sa gratte. En tout cas, ça nous dit pas qui c'est, Link. Ah ouais, c'est qui, Link? Bienvenue à Bourg-Clocher, la fête va bientôt commencer. Bienvenue à Bourg-Clocher, la grande horloge va sonner. Bienvenue à Bourg-Clocher, le carnaval a commencé. Bienvenue à Bourg-Clocher, les gens vont tous s'amuser. Y'a un couple qui va se marier, c'est Café qui épousera Andrew. Leurs masques ils vont s'échanger pour faire un masque d'amour. Sac on a essayé de le voler, le sac de bombe de la vieille. Mais Willy l'en a empêché, sac on peut se couler une bielle. Bienvenue à Bourg-Clocher, la fête va bientôt commencer. Bienvenue à Bourg-Clocher, la grande horloge va sonner. Bienvenue à Bourg-Clocher, le carnaval a commencé. Bienvenue à Bourg-Clocher, les gens vont tous s'amuser. Le facteur va poster des lettres et faire son entraînement mental. Quand ta mise y montera la garde. Mais qu'est-ce que vous chantez là? Muto et puis ses charpentiers construisent un tour de 3 mètres. Et les jongleurs qui se marquent comme des pieds à chaque fois que je... Non, c'est pas le bon effet sonore. C'est marrant, toi, confiance facile, pour moi je me casse, ils m'ont trouvé une page et des siens. Quoi? Pas possible. Bah si, c'est marrant, hein, je me casse. C'est ça, à plus, Stitch. Bienvenue à Bourg-Clocher, la fête va bientôt commencer. Bienvenue à Bourg-Clocher, la grande horloge va sonner. Bienvenue à Bourg-Clocher, le carnaval va commencer. Bienvenue à Bourg-Clocher, les gens vont tous s'amuser. Bienvenue à Bourg-Clocher, la fête va bientôt commencer. Bienvenue à Bourg-Clocher, la grande horloge va sonner. Bienvenue à Bourg-Clocher, le carnaval a commencé. Bienvenue à Bourg-Clocher, les gens vont tous s'amuser.